Amis auditeurs, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de RGM, l'émission du lundi soir, calendrier des esclavages et des libérations. Alors le programme de ce soir, îlot de chaleur, climat urbain, un document du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique. Ensuite, Blast des Robert, journaliste, une espèce en voie de liquidation. Ben oui, on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a de moins en moins de journalistes, je dirais de vrais journalistes. Clément Viktorovitch, faut-il abandonner le terme de migrant ? Discours de Mathilde Panot, débat sur l'immigration. France Inter, trois femmes au gouvernement, capture d'écran. Hitler, en 180 secondes. Bon, c'est un peu rapide, c'est un peu scolaire, je dirais, hein, le ton, mais bon, voilà, 180 secondes. Et puis la catastrophe nucléaire de Fukushima, pareil, en 180 secondes aussi. Et puis l'ancien nazi piégé par un journaliste en 1972. Alors ça, c'était très bien. Ladislas de Hoyos, c'était un journaliste que j'appréciais pas trop. Mais là, il a sérieusement remonté dans mon estime. Et puis bon, une petite revue de presse, et puis ce sera tout pour ce soir. Thank you. Calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 19 novembre ? Eh bien, le 19 novembre 1593, par exemple, en Espagne, décret de Philippe II, deux points ouvrant les guillemets, c'est lui qui parle, nous ordonnant que les Espagnols qui injurient, offensent ou maltraitent les Indiens soient châtiés avec plus de rigueur que s'ils commettaient ces délits contre les Espagnols, et nous déclarons qu'il s'agit là d'un délit d'ordre public. Fermons les guillemets. C'était en 1593. Eh bien, ce roi d'Espagne, il aurait été digne d'être un électeur français de 2020, hein? Ah oui, tout à fait. Mais malheureusement, c'était pas le cas. 1641, France, les paysans révoltés, groupés autour de Greuletti, déposent les armes, sans jamais avoir été vaincus. 1793, France, l'instruction primaire est déclarée gratuite et obligatoire. Gratuite et obligatoire. 1793, ils n'étaient pas très macroniens, les gens, à cette époque-là. Hein? Gratuite et obligatoire? Oh! 1848, France, les résultats des élections du 10 décembre sont proclamés. Napoléon Bonaparte est président. Les républicains vont être éliminés des postes de commande. La route vers un nouvel empire est ouverte. Là encore, rien à voir avec la Macronie, le macronisme et la macronisation de la société, hein, bien sûr. Aucun rapport. C'est une autre époque, 1848. Hein, c'était en France, bien sûr, mais c'était en 1848. 1890, France, à Revin, deux syndicalistes sont condamnés à 4 mois de prison pour atteinte à la liberté du travail. 1921, Italie, les massacres de Turin font plusieurs morts parmi les anarchistes, dont Pietro Ferrer, secrétaire de la section métallurgique. 1936, Maroc. Premier numéro du journal Clarté, organe régional du Parti communiste. Section française de l'Internationale communiste. 1946, Vietnam. Les milices révolutionnaires tentent de chasser les Français de Hanoï. 1946. 1957, Haïti.

Mais cet été, pour la première fois, les rues de Paris se transforment en laboratoire. Panam 2022, c'est le nom de ce projet inédit qui mobilise des centaines de chercheurs. Leur mission, étudier l'atmosphère, la qualité de l'air et le climat de la région Île-de-France. 20 secondes. Sur les quais de Seine, Valérie Masson retrouve une équipe chargée du lâcher des ballons sondes. Arte. Ces ballons sont précieux. Ils vont donner des indications localisées sur les différentes couches de l'atmosphère. On voit que le ballon est bien parti et on voit que l'atmosphère est bien mélangée sur les premiers mètres, ce qui est tout à fait attendu. Il y a le trait rouge qui correspond à la température, le trait vert qui correspond à l'humidité qu'il y a dans l'air, et le trait bleu qui correspond à la pression qui permet d'avoir une indication de la hauteur du ballon et de la sonde. On va le suivre jusqu'à entre 20 et 30 km. Celui de tout à l'heure, il a éclaté à 28 km d'altitude. À l'Observatoire Cirta de Palaiseau, on lance officiellement le projet Chaleur et Santé en ville dans le cadre de cette campagne de terrain. Actuellement, Météo France dispose d'une seule station météo à Paris, dans le parc Montsouris. Les scientifiques vont pouvoir étoffer le réseau en plaçant des stations dans d'autres arrondissements, directement sur des lampadaires, au plus près des piétons et des matériaux urbains. Elles vont être à peu près au nombre de 30, dans principalement deux quartiers de Paris intramuros, autour de la Seine, sachant que l'objectif dans ce cas-là, c'est vraiment d'étudier à très fine échelle, notamment comment la Seine peut influencer les conditions météo, est-ce qu'il y a un effet de rafraîchissement par exemple. Et puis, il y a un autre panel de stations qui va être installé sur le 13e arrondissement. Donc, on va avoir différentes typologies, des grandes tours, des maisons individuelles, etc. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de regarder comment évoluent les températures. Cet été, ces données exceptionnelles permettront de réaliser des modélisations en temps réel très précises. Quand Météo France quadrille la capitale tous les 1,3 km, l'équipe arrivera à zoomer jusqu'à une résolution de 100 mètres. Sur du plus long terme, on aimerait pouvoir laisser les instruments en place pour pouvoir plutôt faire du suivi des conditions sur des temps plus longs. Et ça, ça peut nous permettre d'une part pour les scientifiques de suivre les processus et donc de les étudier dans différentes conditions météorologiques à différentes saisons. Et puis, on peut imaginer aussi que ça peut permettre de mieux évaluer, voire d'améliorer à terme les modèles de prévision du temps. Améliorer les prévisions, mais aussi les instruments de mesure. Les chercheurs inaugurent le premier test d'un ballon sonde nouvelle génération, plus léger et plus facile à manipuler. C'est des capteurs qui ont été encore peu utilisés. Donc là, l'idée, c'est de les intercomparer avec nos radiosondages standards pour voir quelle est leur fiabilité, afin de pouvoir les utiliser de façon plus systématique en environnement urbain. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Aude Lemonsu. Elle participe aux rencontres de l'Agence Santé publique France pour exposer son projet de recherche. Depuis la canicule de 2003 et ses 15 000 morts, la chaleur est devenue une préoccupation majeure, encore trop sous-estimée par les Français. La chaleur, c'est un risque important pour la santé. On observe chaque année des augmentations du recours aux soins d'urgence, notamment pendant les vagues de chaleur, des augmentations de la mortalité. Et en fait, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que toutes les classes d'âge peuvent être touchées. Et donc, c'est vraiment très important d'agir à la fois sur les comportements, mais aussi sur les environnements pour que ces environnements restent vivables malgré l'augmentation de la température. Le constat est déjà sans appel. Le risque de mortalité est plus grand dans les communes qui ont moins de végétation et plus de sols artificiels. Les nouvelles données collectées par le projet Panam 2022 peuvent accélérer le changement nécessaire. C'est une mine d'or parce qu'aujourd'hui on n'a pas cette quantité et qualité de données. C'est vraiment un projet très intéressant parce qu'il est très interdisciplinaire avec des résultats qui ne sont pas uniquement orientés publication scientifique. Un programme de végétalisation des villes vient d'être lancé par la France, doté d'un fonds de 500 millions d'euros. Selon le dernier rapport du GIEC, le changement climatique sera plus rapide que prévu et les jours de canicule de plus en plus fréquents dans les deux décennies à venir. Il est urgent de transformer nos îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa. C'est quand qu'on va où ? C'est quand qu'on va où ? Je dois écrire un édito de moins de 15 minutes. Plus mon texte est long, plus il sera compliqué à monter et coûtera cher à Blast. C'est ce qu'ils m'ont répété à la prod. Faut faire éco-efficace, d'où le timing et la nécessité de parler vite. Et le chrono qui tourne contre moi et ma propension à m'étendre. Je suis comme un train qui doit speeder. Ça tombe bien, j'écris dans un TGV, comme un boxeur qui doit conclure avant le gong. Le combat est permanent, je prends quelques coups, j'en donne aussi, comme un marathonien pressé qui cherche au loin l'horizon. C'est quand qu'on va où, papa ? On va où ? Là-bas, on vient faire la mala, ouais. Blast grandit, allonge sa foulée, mais n'est pas sûr de passer l'hiver. Nous sommes partis à une poignée en mars 2021 pour siffler la fin de la récré. Nous sommes 40 aujourd'hui, à souffler sur l'info. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous étions 5000 en arrivant au port. Quel port ? Le port de l'angoisse. Stand by that wheel. Wait a minute, give me that gun. You can't fight them guys, Harry. Où es-tu, mon Bogey ? Est-ce que tu pourrais siffler pour m'aider ? Pour gagner, il va falloir nous muscler ou nous alléger et accélérer encore. La ligne d'arrivée, c'est le 31 décembre 2022. Je commence à avoir la science des dates et des campagnes de financement. Le 31, dernier jour pour s'abonner ou faire un don et récupérer une partie de son geste en crédit d'impôt. En janvier, on remet les compteurs à zéro et on bascule dans le nouveau monde. Il y a de grandes chances de ressembler à l'ancien, Empire. D'où l'intérêt de nous développer ensuite et de nous rassembler. Restons groupés. Jamais la presse et les journalistes n'ont autant été divisés et attaqués. Je parle des vrais journalistes, pas l'épiscopie ou les mangeurs de soupe, ni les idéologues ou les militants pour qui l'info est une monnaie d'échange. Pas les forts en thème, ni les décérébrés du bulbe qui mangent dans la main qui les nourrit. Toute honte bue. Jamais un député n'avait été autant insulté, menacé sur un plateau télé. On est donc tombé si bas. Jamais la télé n'a autant ressemblé à une décharge publique. On est plus délinquance. Non, délinquance. C'est pas de la délinquance, c'est de la conquête de territoire. Et que vous avez ils sont tous musulmans. Ah, ils sont pour la plupart, oui. Vous avez des chiffres ? Ah, mais c'est une évidence, vous n'avez qu'à voir les prénoms. Je dis simplement que si Éric Zemmour dit qu'il fait bleu, que le soleil brille, c'est pas parce qu'il le dit. Mais non, vous n'êtes pas là, j'ai commencé par dire que le début de son raisonnement était bon. Oui. L'islam a tétanisé le monde. Il est là, personne n'ose le combattre. Personne. Journaliste, ce n'est pas juste un métier, c'est devenu une rareté, un corps à défendre, à préserver, une espèce en voie de liquéfaction, un sacerdoce et un baroud. Un carnage dans cet univers faisandé et de plus en plus asphyxiant. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'un article soit censuré avant même sa publication, au prétexte qu'il attenterait à la vie privée ou au secret des affaires. Jamais on n'aurait pu penser que des magistrats assermentés puissent à ce point oublier leur promesse d'équité pour se prosterner à ce point devant Patrick Drahi ou un hiérarque du Parti Républicain. Dire qu'à une époque pas si lointaine, on nous avait promis la main sur le cœur, qu'il était absurde de prétendre qu'un actionnaire puisse intervenir dans la vie d'un média. Je n'ai pas le pouvoir de nommer qui que ce soit à l'intérieur des chaînes. Voilà. Je peux proposer, je peux donner mon avis, je peux dire « ne pensez-vous pas que… » Voilà. Et si quelqu'un n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. RIP C8, CNews, Europe 1, Match, Editis, Canal et compagnie. Jamais on n'aurait pu imaginer Bolloré. Ni Agnès Pannier-Runacher. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Ni le PSG ou la Coupe du Monde vendue contre des flingues et des pétrodollars. Jamais le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats, là où on emprisonne les homos, où on lapide les femmes adultères et où on découpe en rondelles les journalistes récalcitrants, n'ont eu autant le vent en poupe. Jamais l'extrême droite et les idées sombres, la bêtise et les compromissions n'ont été aussi massives, grignoteuses de nos mémoires et de nos bontés collectives. Un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement National à l'Assemblée. Qui devient ainsi un peu plus national. Ce groupe sera de très loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique. Jamais on n'aurait cru capable, la FNAC, si chère à son fondateur Max Terré, qui fut le garde du corps de Trotsky, la FNAC, vendue à Darty et au Grand Capital, se couchait devant les rodomontades d'élus nationalistes et d'un syndicat de commissaires plus proche de Léon de Grelle que de Léon Trotsky. La FNAC interdit donc à la vente un jeu qui illustre le combat des antifas pour mieux vendre Zemmour, Mein Kampf en édition brochée et Le Grand Remplacement. Grande arnaque de préférer in fine Renaud Camus à Camus. Albert Camus, le manuscrit de l'étranger dans le coffre de sa voiture, fuit au milieu des civils, erre de ville en ville, avant de se poser à Lyon, où son journal s'est replié. Après Toulouse, après Montauban, c'est Lyon qui a l'insigne honneur d'accueillir le maréchal Pétain. Jamais on n'aurait pu imaginer, un jour, à l'Assemblée et dans les allées d'un magasin agitateur depuis 1954 de nos curiosités, un certain Grégoire de Fornas, raciste et obsédé de la France d'avant, péroré à ce point, lui, élu de la nation, eux, noyés dans les tourbillons. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. Encore une fois, nous avons été élus pour ça, pour défendre cette position sur l'immigration. C'est quand qu'on va où, papa? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie, il y a un bout de temps, mon colon, que voter serait interdit. Jamais les travailleurs et les salariés, et les précaires et les femmes au foyer, et les étudiants et les migrants n'ont été autant trahis, maltraités, escroqués, volés. Jamais la perspective d'une retraite heureuse n'a été aussi éloignée. Jamais les services publics, les hôpitaux, les tribunaux, les écoles, les universités. Jamais la planète n'a autant été massacrée. Je sais, elle arrive tard, alors que j'aurais dû la placer bien avant. Si elle nous lâche, on est tous cuits, grillés, noyés. Des milliers de familles vivent dans des camps de fortune, comme sur ce tronçon de l'autoroute de l'Indus épargné par les eaux et qui a désormais des allures de port. Jamais un président n'a autant été isolé de son peuple, mais soutenu par une upper class, celle des méga-riches. Jamais l'écart entre eux et nous n'a été aussi abyssal. Jamais des militants antinucléaires, des syndicalistes n'avaient été incarcérés pour leurs seules activités. Jamais des associations ou des médias comme Nantes Révoltée ou le Bloc Lorrain n'avaient été interdits en France parce qu'ils dénoncent les violences policières et que le ministre doit donner des gages à sa police. Jamais Darmanin. Jamais des flics. Jamais des juges. Autant inféodés et allongés, quémandants. Jamais les oiseaux, les insectes, les éléphants, les requins n'ont été aussi peu nombreux. Jamais les océans, jamais les montagnes. Jamais la guerre en Ukraine ne s'est autant embourbée et n'a autant ressemblé à celle de 14-18. Les bottes, le froid, les tranchées. Jamais le prix de l'énergie n'a été aussi élevé. Jamais nous n'avons autant dépendu de la Russie pour traiter nos déchets nucléaires. Jamais une bombe nucléaire n'a été aussi proche de nous tomber sur la tête. Jamais les journaux ne se sont aussi peu vendus et ont autant été aidés par l'argent de l'État et des oligarques. Jamais ils ne les ont autant défendus. Et nous, pas. Jamais la droite n'a autant ressemblé à l'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche de prendre le pouvoir. Jamais un État n'a été aussi corrompu, influencé, mis en examen, déliquescent, phagocyté par des intérêts privés et des McKinsey. Grâce à un chevalier en marche vers le trône qui lui offrira tous les trésors de son pays pour être bien conseillé et que la prophétie s'appellera McKinsey. Jamais les actionnaires et leur big boss n'ont été si privilégiés, si protégés, si peu inquiétés. Jamais un président n'a été autant le leur. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Jamais des députés n'ont été aussi sourds et aveugles à la souffrance d'un peuple. Jamais un gouvernement n'a autant utilisé un 49-3 pour tirer dans tous les coins et abattre ce qui reste de la démocratie dans un silence glaçant. Jamais l'Angleterre n'a été aussi prête de déposer le bilan. Demain, peut-être l'Italie, l'Espagne, la France. Jamais la BCE n'a autant fait marcher sa machine à bifton. Et les paradis fiscaux, bah, ça va pour eux. Jamais l'Europe n'a été aussi alourdie, incapable de lutter contre les fachos hongrois, polonais, suédois, italiens, j'en passe. Jamais Amazon n'avait autant confié ses embauches à des robots. Je ne dis pas que Jeff Bezos prend des robots pour bosser. Il remplace ses agents recruteurs par des intelligences artificielles bien meilleures pour choisir ses manutentionnaires. Humains, calibrés, corvéables, à merci. Ça pourrait ressembler à notre avenir. Jamais le National Embryo Donation Center de Knoxville, dans le Tennessee, n'avait vu naître autant de vieux embryons congelés depuis plus de 30 ans. Cette institution chrétienne a confié 1260 embryons à des parents candidats triés selon des critères religieux, nous apprend Courrier International. Les couples doivent être de bons chrétiens, génétiquement sains. Rachel et Philippe Rideaway, les heureux parents, ont déjà 4 enfants conçus à l'ancienne. C'est un peu perturbant, reconnaît le père. J'avais 5 ans quand Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy. et il a préservé cette existence depuis tout ce temps. Bientôt en France, si on laisse faire Grégoire de Fornas et ses amis, jamais l'Iran n'a été aussi meurtri, ensanglanté, tuant ses enfants. Jamais les femmes de là-bas ne nous ont autant donné la leçon. Jamais les mollahs et leur ayatollah n'avaient autant ressemblé à des morts vivants. Jamais Jean Tellet n'aurait dû mourir. Jamais il n'aurait dû bouffer ses foutues boulettes à Barbès. Jean, putain, même pas sûr que tu m'entendes, vieux frère. Je suis allé voir un proctologue. Ça, c'est une visite. Bonjour, monsieur, t'as deux doigts dans le cul. Après, pas une carte postale, pas ton anus me manque, rien. Jamais je n'ai eu autant le nez dans le guidon, incapable d'écrire, de lire, de tout voir, de tout absorber. Jamais mes comptes Twitter, Apple, Messenger n'ont été autant piratés. Jamais je ne me suis senti aussi dépendant de ces pis-allers. Jamais je n'ai été aussi vieux. Et jamais je ne me suis senti finalement aussi jeune. Jamais je n'ai lu aussi peu de livres, malgré la pile devant moi tous les jours. Jamais je n'ai aussi peu écrit. Jamais la lune ne s'est autant foutue de nous. Jamais je n'ai eu autant envie de prendre le large. Mais pour aller où? Sur la lune? La lune qui chaque nuit me sourit et me demande de venir recréer une civilisation là-bas, comme dans Don't Look Up. Mais c'est du cinéma. Jamais je n'ai eu autant de mal à retourner au charbon. Jamais je n'aurais imaginé que pour avoir chaud l'hiver, il aurait fallu ouvrir la centrale de Saint-Avold et les mines autour. Je n'ai pas de bol, je vis entre une centrale nucléaire fissurée, celle de Katnum, et une vieille mine à charbon essoufflée. Jamais quand j'étais enfant, je n'aurais imaginé qu'ils privatisent Gaz de France et bientôt EDF, là où travaillaient mon oncle, mon père. On avait chaud, ce n'était pas cher. Jamais je n'aurais imaginé qu'en confiant les clés du camion à Jacques Chirac, puis à Nicolas Sarkozy, puis à François Hollande, puis à Emmanuel Macron, il nous mènerait à cette impasse privatisée. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, à entreprendre? On continue à s'entretuer avec frénésie ou on lève le pied? On réfléchit, on se bagarre, on fait des livres, on fait du journalisme, on écoute Renaud, ce sera eux ou nous, et je n'ai pas envie que ce soit eux. On va où? Je ne sais pas. Mais allons-y ensemble. Quand je serai grand, je vais être heureux. Savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture pour écrire des mots rebelles à faire tomber tous les murs. Si l'école ne permet pas ça, alors je dis halte à tout, explique-moi papa. C'est quand qu'on va où? Allez, salut! Post-scriptum, qui n'a rien à voir, le 7 décembre sort au cinéma un film formidable qui s'appelle « La très grande évasion ». Je l'ai écrit avec mon ami Yannick Kerguat. C'est un film génial, formidable, extraordinaire. Les médias vont pas en parler, donc foncez au cinéma et parlez-en autour de vous. Allez, merci et salut. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et mère de cœur seront tous en fer. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'ailes. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne mourrai pas sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une pleurette. Et d'ave fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer. Le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Entre les lignes avec Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour Gilles. Aujourd'hui, nous allons venir sur l'Ocean Viking, ce navire humanitaire en mer Méditerranée avec plus de 230 personnes à son bord. On en a énormément parlé. On parle de personnes secourues et de migrants surtout. C'est sur ce terme que vous voulez revenir. Eh oui Jules, parce que, on l'a déjà dit, il faut le répéter, les mots sont importants. Ils ne font pas que décrire la réalité, ils dessinent également la carte de nos représentations, la manière que nous avons de penser le monde. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur ce mot migrant qu'on a entendu toute la semaine. Alors, en apparence, rien de nouveau. Ça fait des années que le terme s'est imposé au sein de l'actualité. Et pourtant, il ne va pas de soi. D'autres l'ont précédé. Dans les années 70, par exemple, on employait l'expression « boat people », d'abord pour évoquer les Vietnamiens et les Cambodgiens qui traversaient la mer de Chine, puis plus généralement pour désigner toutes les personnes qui tentaient de gagner un autre pays à bord d'une embarcation de fortune. Et d'ailleurs, on peut s'en étonner, cette expression « boat people » n'est plus du tout employée aujourd'hui. Non, c'est vrai, le terme est complètement tombé en désuétude, mais en parallèle, un autre mot a gagné progressivement en popularité, le mot « clandestin ». Un mot qui n'a, lui, rien de neutre. Il focalise toute l'attention sur le fait que certaines personnes sont dans une situation irrégulière, en éclipsant du même coup les raisons qui ont pu pousser ces personnes à prendre la route. D'ailleurs, le terme clandestin est devenu aujourd'hui tellement connoté qu'il n'est plus guère utilisé que par les responsables politiques qui veulent fustiger l'immigration. C'est un autre mot qui a pris sa place, celui dont nous parlions, migrant, un mot qui a l'avantage, lui, d'être beaucoup plus neutre. D'après l'UNESCO, il désigne tout individu qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays où il n'est pas né. Migrant, mais il y a aussi réfugiés, rescapés, demandeurs d'asile. Il y en a beaucoup d'autres termes qu'on utilise. Oui, c'est vrai, tous ces mots qui circulent et qui désignent en fait des réalités à chaque fois différentes. Un rescapé, c'est quelqu'un qui est secouru pendant sa tentative de migration, généralement en mer. Les personnes à bord de l'Ocean Viking sont toutes des rescapés. Réfugié, ça c'est un terme qui est très précis puisque c'est un statut juridique. Il est réservé aux personnes qui obtiennent l'asile en application de la Convention de Genève au motif qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine. Les demandeurs d'asile, eh bien, ce sont les personnes qui ont déposé une demande d'asile et qui attendent de savoir si elle sera acceptée. Précisons d'ailleurs que demander l'asile, c'est un droit international. Ceux qui le font ne sont pas dans l'illégalité, ils ne sont en rien des clandestins. Donc si je comprends bien, les mots qu'on utilise en ce moment sur cette affaire sont plutôt utilisés à bon escient, assez précisément ? Le vocabulaire que l'on emploie, en effet, n'est pas erroné, mais il est discutable. Le problème du terme « migrant », c'est qu'à force d'être employé dans des discours de rejet de l'immigration, il a fini, lui aussi, par se charger de connotations négatives. C'est pourquoi il me semble que nous avons besoin, aujourd'hui, d'un autre terme qui soit à la fois neutre et descriptif. Or, quand on y réfléchit, un Français qui part travailler en Allemagne ou en Grande-Bretagne, par exemple, c'est un migrant. Stricto sensu, c'est un migrant. Et pourtant, on n'emploie jamais ce mot dans ce contexte. Non, non, non, non. On dira plutôt de lui qu'il est un expatrié, pour insister sur le caractère à la fois choisi et volontaire de la migration. De la même manière, les personnes qui fuient leur pays d'origine pour échapper à la guerre, l'oppression, la famine, la misère, devraient pouvoir être désignées par un mot qui souligne le caractère subi et dramatique de ces migrations. Il s'avère que ce mot existe dans la langue française. De mon point de vue, ces personnes ne sont pas seulement des migrants, ce sont des exilés. Les mots, les concepts, leur usage et les conséquences de ces usages, on voit cela toutes les semaines avec vous dans Entre les lignes. Clément Viktorovitch, merci à vous. Merci.

Chacun y trouve son compte. Marine Le Pen, à l'instant, sautille de joie à l'idée d'aborder l'unique marqueur de sa petite boutique de haine. Les LR raffolent de la politique de l'immigration, envisagée comme le seul espace qu'il leur reste pour se différencier de vous. Et collectivement, nous fournissons le décor de votre entreprise de séduction de la droite. Votre grille de lecture étriquée du sujet, guidée par la démagogie, est celle d'une tenaille imaginaire entre un prétendu angélisme et l'inhumanité la plus crasse. Pourtant, une autre voie est possible. Nous sommes venus vous dire de revenir à la raison. 29 lois depuis 1980. Le soi-disant tabou de l'immigration est en réalité brisé au rythme d'une loi tous les 2 ans. Pourquoi ? Pourquoi ne jamais tirer de bilan ? Comment expliquer qu'un gouvernement, prétendument efficace, doive s'y reprendre plus d'une fois pour régler ce qu'il présente comme un problème ? À moins de supposer que ces lois ont finalement peu à voir avec l'objet qu'elles traitent. Il ne s'agit pas de faire, mais de montrer que l'on fait. En matière d'immigration, mieux vaut une démonstration de force, une politique du chiffre, qu'une politique raisonnée. La temporalité n'est d'ailleurs jamais innocente. Il y a toujours une raison pour semer le poison de la discorde dans le pays. Collègues, les bonnes décisions sont celles prises de sang-froid. Sur ce sujet en particulier, sont entretenues sciemment les angoisses qui tétanisent la réflexion. Avant toute chose, il faut faire acte de salubrité publique. Loin des fantasmes d'une submersion migratoire, la France est l'un des pays d'Europe de l'Ouest où l'immigration est parmi les plus faibles. La plupart des migrations se fait en réalité entre les pays du Sud. Contrairement à vos élucubrations xénophobes, personne ne compare les régimes sociaux européens avant de venir en France, comme le font en revanche vos milliardaires lorsqu'ils hésitent entre la Suisse et les îles Fidji pour choisir le régime fiscal le plus avantageux. L'aide médicale d'État, sur lequel vous êtes si prolixe, ne représente que 0,5% des dépenses de santé prises en charge par l'assurance maladie. Les personnes immigrées rencontrent surtout un problème de non-recours à ce droit et un important renoncement aux soins. Collègues, revenez donc à la raison. Les déplacements de population sont une réalité historique. Vous ne construirez jamais de murs assez grands pour vous protéger de l'aspiration de chaque être humain à une vie meilleure. Il faut donc permettre à chacun de vivre dignement là où il est, mais cela exige de faire cesser une certaine hypocrisie. Car ceux qui stigmatisent les immigrés sont les mêmes qui soutiennent les politiques libérales dévastatrices pour les pays du Sud, les mêmes qui promeuvent des accords de libre-échange inégaux quand ce ne sont pas des guerres. Le capitalisme néolibéral n'a d'autre vocation que d'épuiser les ressources et les êtres humains et de rendre le monde fondamentalement inhabitable. Oui, collègues, votre hypocrisie vous fait trébucher d'une bêtise à l'autre. Vous êtes des hypocrites quand vous tolérez sans mal la législation sur les travailleurs détachés, mettant en concurrence des travailleurs européens dans une course effrénée vers le moins-disant social. Hypocrites quand vous serrez la vis des politiques d'immigration, rendant la vie de centaines de milliers de gens impossible, pourtant bien heureux, quand les mêmes contribuent à tenir notre pays debout pendant la crise sanitaire. Hypocrites quand vous parlez sans cesse de la valeur travail comme d'un facteur d'intégration et refusez que les demandeurs d'asile exercent un emploi pendant le délai d'examen de leur dossier. Hypocrite quand l'État lui-même fabrique des sans-papiers par une dématérialisation inhumaine. Pas de rendez-vous en préfecture, pas de renouvellement de titre, pas de renouvellement plein emploi et parfois plus de logement. Hypocrite car vous entretenez la délocalisation sur place. Des secteurs entiers de l'économie, du BTP à la restauration, en passant par les services à la personne, reposent sur cette main-d'œuvre bon marché, condamnée à la servilité par la menace qui pèse constamment sur leur tête, l'expulsion. Hypocrisie ultime lorsqu'en plus de fabriquer des personnes sans papier, vous les exploitez. Je salue les travailleurs sous-traitants de la Poste présents ici en tribune. Depuis un an, ils tiennent 3 piquets de grève devant Chronopost à Alfortville, DPD à Coudray-Monceau et encore récemment devant RSI à Gennevilliers. Vous savez que la Poste, entreprise à capital public, emploie des personnes sans papiers corvéables à merci. Temps partiel imposé par des salaires de misère. Embauche à 3 ou 4 heures du matin. Pas de paiement d'heures supplémentaires, pas d'arrêt maladie, ni de pause réglementaire. Vous le savez. Qu'avez-vous à leur dire? Vous préférez laisser l'impunité patronale perdurer. Hypocrite, enfin, quand certains parlent ici de retourner en Afrique et font travailler des personnes sans papier dans leurs vignes, comme Monsieur de Fournasse. Ayez au moins les atours de la cohérence. Mettez un terme au régime des travailleurs détachés et régularisez tous les travailleurs sans papier. Collègues, L'immigration est un phénomène qui connaîtra des changements d'échelle. Les conséquences du dérèglement climatique conduiront 1 milliard de personnes sur les routes de l'exil. Dans ces circonstances, il nous faut choisir le chaos ou l'entraide. Dès aujourd'hui, l'urgence climatique exige qu'une aide financière et matérielle à la bifurcation écologique soit attribuée aux pays les plus vulnérables, fondée sur les transferts de savoir et par la reconnaissance d'un statut de détresse environnementale. La seule réponse raisonnable est d'organiser la solidarité en vue du plus grand défi que l'humanité aura à connaître. Il nous faut donc de réelles politiques publiques pour organiser l'accueil. Pour cela, la philosophie humaine partage depuis des siècles un principe qui nous est précieux. Agir de telle sorte que la maxime de notre action puisse être érigée en loi universelle. Personne, collègue, n'est responsable de sa naissance dans la misère, dans un pays pauvre, en guerre ou un pays en première ligne face au dérèglement climatique. Ayez donc le courage de traiter ces personnes avec dignité. Renforcez les structures d'accueil et d'hébergement. Dites à Monsieur Darmanin de cesser la criminalisation outrancière des associations qui donnent juste à boire et à manger aux exilés à Calais. Abolissez l'infâme délit de solidarité. Mettez un terme à l'enfermement des enfants dans les centres de rétention. Interdisez enfin les tests osseux. Cessez, pour finir, votre chasse sur les terres de l'extrême droite. À l'heure où nous parlons, 342 jeunes dorment devant le Conseil d'État après avoir passé 6 mois à la rue. Ils veulent aller à l'école, mais Monsieur le ministre Darmanin est trop occupé à montrer les muscles. Les politiques d'immigration ne peuvent pourtant être réduites au giron sécuritaire. Elles doivent inclure la santé, l'éducation, la culture, la lutte contre les discriminations et être articulées sur le long terme. Et avant toute chose, Madame la Première ministre, il faut que tout le monde dans ce pays puisse vivre dignement. Lorsque vous détruisez les services publics, ce sont les personnes les plus pauvres que vous sanctionnez en priorité et parmi elles, les derniers arrivés en France. Vous ne parviendrez pas à faire diversion en ce qui concerne les conditions matérielles d'existence du peuple. La colère qui gronde ne sera jamais dissipée avec des lois pointant des boucs émissaires. Vous voulez rétablir l'ordre? Abandonnez votre réforme des retraites, bloquez les prix, augmentez les salaires et partagez les richesses. Pour le reste, collègues, la France a pour promesse liberté, égalité, fraternité. Chacun peut en faire le serment. C'est le propre d'une nation universaliste. J'achève avec ces mots. Nous sommes dans l'eau. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes dans la mer, dedans. Il fait froid. Ce sont les derniers mots prononcés par l'une des 27 personnes exilées mortes dans une traversée de la Manche en 2021. Parmi elles, une petite fille de 7 ans. Il leur a été répondu « Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises ». Collègues, j'alerte. Il serait erroné de ne voir dans cette réponse qu'une faute individuelle, sans percevoir la longue entreprise collective de déshumanisation raciste qui l'a rendue possible. Tant de paroles ont alimenté ces dernières années. Ce processus au terme duquel certaines vies ne valent pas la peine d'être sauvées et certaines morts d'être pleurées. Cette tragédie est l'aboutissement de politiques dont le paradigme est toujours la sévérité contre tout soupçon de laxisme. Nous savons au fond quel est le point culminant de cette rhétorique mortifère. Le laisser mourir en mer. Encore une fois, il faut revenir à la raison. L'humanisme n'est pas une opinion politique. Elle est une exigence morale qui s'impose à tous. Ce que la mort des autres ne foudroie plus s'écarte de notre commune humanité. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu? Nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore? Faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. Et j'avais peur et j'avais froid, un homme m'a dit calme-toi. un homme qui était différent. Sans armes, il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid. L'homme m'a dit, écoute-moi, je vais te poser une question. La vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper. On ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid. J'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire. Et puis je l'ai entendu dire, c'est un brave homme, coupez ses liens. Ton enfant, tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dit mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Présent Dorothée Barba pour vos captures d'écran. Et vous célébrez le 8 mars avec un jour de retard. Oui, parmi l'avalanche des programmes proposés à la télé pour la Journée internationale des droits des femmes, il y a un documentaire que je recommande en particulier, mais il a été diffusé beaucoup trop tard, à minuit hier soir sur France 3. Nos auditeurs et auditrices sont des leftos. Je ne peux pas leur faire un coup pareil, alors vive le replay et donc le décalage d'un jour. Connaissez-vous Suzanne Lacor, non. Cécile Brunswick non plus. Et Irène Joliot-Curie? Ah oui. La troisième, oui, sans doute, son nom est resté dans les mémoires en raison de son prix Nobel de chimie et parce qu'elle est la fille de Marie et Pierre Curie. Mais elle fut aussi ministre et c'est sa casquette de femme politique qui nous intéresse ici. Les trois noms que je viens de citer sont ceux des toutes premières femmes entrées dans un gouvernement en France. C'était en 1936, à l'arrivée au pouvoir du Front Populaire. Maud Guillaumin y consacre un documentaire passionnant, Léon Blum et ses premières ministres. En 1936, les femmes n'ont pourtant pas encore le droit de vote en France. Oui, il faut mesurer ce que ça représente, ces nominations. Les femmes ne votent pas, elles n'ont pas le droit de se présenter à des élections. Léon Blum les fait entrer dans la vie civique par le haut, finalement. Suzanne Lacor est nommée à la protection de l'enfance, Cécile Brunswick à l'éducation nationale et Irène Joliot-Curie à la recherche. Cette dernière est restée très peu de temps au gouvernement, trop occupée par son laboratoire et surtout épuisée par la tuberculose. Mais toutes les trois ont imposé des réformes et fait bouger les lignes. Ce documentaire résume leur bilan et brosse un portrait de chacune avec un magnifique travail sur les archives. Des images choisies et montées avec soin qui rendent l'histoire vivante sous nos yeux. Le parcours de Suzanne Lacor, ancienne institutrice et militante à la SFIO, est particulièrement impressionnant. Cette institutrice singulière, restée célibataire, qui va par les routes et les chemins, en vélo, assister à des réunions où les hommes sont ultra majoritaires, a de quoi troubler la population. Elle commence à se faire un nom en Dordogne. Pourquoi ? Parce qu'elle écrit dans le Populaire du Centre à Limoges. Elle parle, elle ose parler. certains hommes politiques du département la considèrent comme une évaporée, comme quelqu'un qui ne devrait pas faire ce qu'elle fait. Suzanne Lacor, contrairement aux deux autres, n'était pas mariée. Résultat, elle n'a pas eu à demander l'autorisation de son mari pour entrer au gouvernement, contrairement aux deux autres. Conséquence de l'absurdité du droit de l'époque, les célibataires avaient plus de droits. Il y eut d'ailleurs un débat entre juristes autour de la nomination de ces trois femmes ministres. Léon Blum a profité d'un flou juridique, il n'était écrit nulle part que c'était interdit. Belle avancée donc pour l'égalité des droits que ce gouvernement mixte. Eh bien, ça n'est pas forcément si simple. Trois hirondelles ne font pas le printemps. La formule piquante est signée Louise Weiss. Pour cette journaliste, l'arrivée de ses congénères au gouvernement est un leurre qui ne va pas changer la situation politique des femmes. Vous voulez voter, n'est-ce pas ? Oui, madame. Oui, madame. Louise Weiss accuse même Léon Blum de vouloir endormir le mouvement féministe. Le seul combat qui vaille, le droit de vote. D'ailleurs, l'entrée de ces femmes au gouvernement n'a pas suscité de controverse. Était-ce un geste inoffensif et symbolique ? La question peut se poser, mais les symboles sont importants. On peut considérer, pour voir le verre à moitié plein, que ces trois pionnières ont fait évoluer les mentalités en montrant qu'elles étaient dignes de la fonction. Elles ont préparé le terrain pour la suite. Le droit de vote fut accordé aux femmes en 1944. Léon Blum et ses premières ministres, documentaire de 52 minutes à voir en replay sur le site de France 3. Et vous avez mis un lien, comme d'habitude, sur notre site. Nous, capture d'écran sur franceinter.fr. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. C'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les corons. c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, en Autriche-Hongrie, et actuellement en Autriche à la frontière avec l'Allemagne. Il dirige l'Allemagne nazie de 1933 jusqu'à sa mort le 30 avril 1945. Hitler, surnommé le Führer, a fait basculer l'Allemagne dans un régime totalitaire, entraînant ainsi la Seconde Guerre mondiale et causant la mort de millions de personnes. Adolf Hitler perd son père à 14 ans et sa mère à 18 ans. Il part alors à Vienne pour tenter d'entrer à l'école des Beaux-Arts qu'il rate à deux reprises. Il vit alors de petits métiers dans une grande pauvreté. Il déménage alors à Munich en Allemagne. Il entre dans l'armée allemande et sera estafette durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il livre les informations de l'état-major aux différents bataillons. Il est gravement gazé en octobre 1918 et est répatrié en Allemagne pour y être soigné. Après la guerre, il adhère au parti nationaliste DAP, dont il prend le contrôle et qu'il renomme en NSDAP, le parti nazi. En 1923, il tente un coup d'état qui échoue, car réprimé par l'armée, c'est le putsch de la brasserie. Hitler est condamné à 5 ans de prison, mais il n'y restera que 13 mois, période pendant laquelle il rédige son livre « Mein Kampf », qui signifie « Mon combat ». Dans cet ouvrage, Hitler expose ses thèses antisémites. À sa sortie de prison, Hitler promet du travail et du pain au peuple allemand, qui souffre de la crise économique de 1929. Son parti obtient de nombreuses voix aux élections, mais n'est jamais majoritaire. Le 30 janvier 1933, avec l'appui des partis de la droite allemande, Adolf Hitler est nommé chancelier. En février 1933, le Reichstag, l'Assemblée nationale allemande, est incendié. Hitler en profite alors pour interdire tous les partis sauf le parti nazi. C'est le début du régime totalitaire nazi. Hitler va contrôler l'ensemble de la société en créant notamment les jeunesses hitlériennes, une organisation de jeunesse à la gloire du Führer et du parti nazi. Le culte de la personnalité passe également par des affiches de propagande, des défilés et même des films comme ceux de Leni Riefenstahl. En 1935, Hitler promulgue les lois de Nuremberg, des lois anti-juives. Pour Hitler, la race aryenne composée de blonds aux yeux bleus doit dominer les autres. Hitler axe sa politique économique sur le réarmement. Ainsi, il prépare la guerre pour se venger du traité de Versailles qu'il qualifie de diktat. La Seconde Guerre mondiale débute en septembre 1939 et va permettre à Hitler de contrôler une grande partie de l'Europe et notamment la France. Ses opposants sont enfermés dans des camps de concentration et après la conférence de Wannsee de 1942, il lance la solution finale pour exterminer les Juifs, principalement dans les centres de mise à mort comme Auschwitz-Birkenau. Alors que l'URSS est aux portes de Berlin à la fin de la guerre, Hitler contenu à tenir des propos paranoïaques, persuadé que ses officiers complotent dans son dos. Le 29 avril 1945, Hitler épouse Eva Braun. Le lendemain, conscient de la défaite inéluctable de l'Allemagne nazie, Hitler s'enferme avec sa nouvelle femme. Elle se suicide avec du cyanure. Hitler, quant à lui, croque une capsule de cyanure et se tire une balle dans la tête. Hitler meurt donc le 30 avril 1945, entre 14h30 et 15h15. Pour résumer, Adolf Hitler est le dirigeant de l'Allemagne nazie, qu'il fait basculer dans un régime totalitaire. Il prend le pouvoir démocratiquement le 30 janvier 1933, il met alors en place un contrôle de la société, même une politique expansionniste, lui permettant d'offrir un espace vital au peuple allemand. Il fait exterminer les juifs dans les centres de mise à mort, le 30 avril 1945, alors que l'Allemagne perd la guerre, Hitler se suicide. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous aimaient maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Elle s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 décembre. La catastrophe nucléaire de Fukushima. Cette catastrophe est une des catastrophes nucléaires les plus graves de l'histoire, après celle de Tchernobyl en 1986. Elle est classée au niveau 7, c'est-à-dire le niveau le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Le drame de Fukushima a combiné un séisme, un tsunami et un accident nucléaire le 11 mars 2011. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi se situe au Japon dans la ville d'Okuna, dans la préfecture de Fukushima. Elle borde l'océan Pacifique au nord-est de l'île d'Honshu et à 250 km au nord de Tokyo, la capitale. Cette centrale nucléaire comporte 4 réacteurs. Le vendredi 11 mars 2011, à 14h16, un séisme de magnitude 9.1 survient au large des côtes nord-est de l'île d'Honshu, au Japon. Le séisme a entraîné un arrêt automatique des réacteurs. Moins d'une heure après, un tsunami provoqué par le tremblement de terre dévaste la côte. La vague atteint une hauteur de plus de 30 mètres à certains endroits. Ce tsunami a ravagé près de 600 km de côte, et la vague a parcouru jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres. Le tsunami et le séisme ont rendu inutilisables les systèmes de refroidissement en noyant les moteurs des générateurs électriques qui faisaient fonctionner les pompes. Les réacteurs se sont alors mis à surchauffer, et cela a entraîné la fusion des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3, ce qui a libéré de l'hydrogène et des produits radioactifs. L'hydrogène a fait augmenter la pression dans les bâtiments des réacteurs jusqu'à ce que ces derniers explosent. Si le tsunami a causé la mort de 22 500 personnes environ, selon le gouvernement japonais, aucun décès n'est à déclarer en lien direct avec l'accident nucléaire. En effet, au lendemain de l'accident, les habitants situés à proximité de la centrale sont évacués. Le chiffre atteint 95 000 personnes sur un rayon de 30 km autour de Fukushima. Cependant, de nombreuses études montrent que les taux de cancer de la thyroïde sont désormais bien plus élevés dans la province de Fukushima qu'ailleurs au Japon. Sur le plan environnemental, les conséquences de la catastrophe nucléaire sont dramatiques. Le vent a poussé les émanations radioactives vers les terres, ce qui a obligé le gouvernement japonais à déclarer impropre à la consommation la viande, le lait et les légumes produits jusqu'à 100 km au sud de la centrale. De plus, des tonnes d'eau contaminée ont été déversées dans le Pacifique volontairement ou à la suite de fuites. À l'heure où cette vidéo est réalisée, en août 2022, c'est-à-dire plus de 11 ans après la catastrophe, des personnes n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. Quatre anciens responsables de la compagnie d'électricité japonaise Tecpo, en charge de la centrale, ont été condamnés à 97 milliards d'euros de dommages et intérêts. Pour résumer, la catastrophe nucléaire de Fukushima a lieu au Japon en septembre 2011. À la suite d'un séisme, un violent tsunami a ravagé les côtes et endommagé le système de refroidissement de la centrale, entraînant l'explosion des réacteurs. De nombreuses personnes ont été évacuées et le taux de cancer de la thyroïde a augmenté dans la région. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Je suis aujourd'hui en compagnie de Zekaria pour vous raconter l'histoire d'un criminel de guerre nazi dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il s'agit de Klaus Barbie, le boucher de Lyon. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur la façon dont il a été piégé pendant une interview pour la télévision française. Exactement, Klaus Barbie, c'est l'ancien chef de la Gestapo de Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin du conflit, comme de nombreux autres criminels nazis, il parvient à s'exfiltrer, à s'échapper vers l'Amérique du Sud. Et en 1972, alors qu'il donne une interview sous un faux nom pour la télévision française, il est démasqué et piégé par le journaliste Ladislas de Hoyos. Février 1972, La Paz, Bolivie. L'homme grisonnant, au dos légèrement voûté et au crâne dégarni, est assis dans son siège. Serein, le sourire figé et le regard perçant, Klaus Altmann toise son interlocuteur. Face à lui, Ladislas de Hoyos, célèbre journaliste français, tient fébrilement ses notes. Contre toute attente, le grand reporter a obtenu l'autorisation d'interviewer le ressortissant bolivien. Depuis quelque temps, la folle rumeur court en effet que Klaus Altmann serait en réalité Klaus Barbie, un ex-nazi notoire, connu pour avoir été chef de la Gestapo de Lyon entre 1942 et 1944. Le criminel, à l'origine de la déportation de plusieurs milliers de juifs ainsi que de l'arrestation et la torture de résistants, aurait trouvé refuge depuis plus de 20 ans dans le pays d'Amérique du Sud. Que Klaus Altmann s'était réfugié depuis sa fuite du Pérou. Le ministère de l'Intérieur bolivien a accepté l'entretien afin de faire taire ce fâcheux malentendu et protéger l'identité du criminel de guerre. Les conditions de l'interview sont drastiques. Pas plus de quelques minutes de discussion, des questions posées en espagnol et validées à l'avance. Ladislas de Hoyos se tient prêt. Dans le petit bureau, l'atmosphère est pesante. Le caméraman reçoit l'autorisation d'un des officiels présents dans la pièce et lance l'enregistrement. L'interview peut commencer. De Hoyos débite en espagnol les premières questions validées par les autorités. tout se déroule comme prévu. Klaus Altmann nie formellement être Klaus Barbie. Il est un simple ressortissant allemand qui a obtenu sa nationalité bolivienne depuis plus de 20 ans et qui mène une vie tout à fait banale, rien de plus. Le journaliste français prend son courage à deux mains. Sans prévenir et à l'encontre des règles imposées par les officiers du ministère, il demande cette fois-ci en français. Vous n'êtes-vous jamais allé à Lyon ? Ich bin nicht in Lyon gewesen. À la grande surprise du journaliste, Altmann rétorque sans la moindre hésitation en allemand : Je ne suis jamais allé à Lyon. L'homme a parfaitement compris la question qui vient de lui être posée dans une langue qu'il n'est pas censé connaître. La tension monte d'un cran dans la pièce. Les hommes du ministère s'agitent. Quelque chose ne tourne pas rond. Fébrile, Ladislas de Hoyos n'en reste pas là. Le journaliste français tend alors des clichés à Klaus Altmann. Sur les photos, le portrait de Jean Moulin, célèbre résistant français, arrêté et torturé à mort par Barbie 29 ans plus tôt. L'Allemand s'en saisit et les regarde avec indifférence. Il ne connaît pas cette personne. Il rend les clichés à Ladislas, qui les range avec précaution dans sa veste. Klaus Altmann vient de tomber dans le piège du français. En se saisissant des photos, Altmann a déposé son empreinte digitale sur le papier. Si Klaus Altmann est bien Klaus Barbie, Ladislas de Hoyos en détient désormais une preuve formelle. L'interview se poursuit sous le regard des gardes qui laissent faire. De Hoyos demande à Altmann de répéter quelques phrases en français. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. L'Allemand s'exécute, mais peine à cacher son vrai visage. Ses fausses hésitations ne trompent personne. L'entretien prend fin et le ton monte. Les hommes du ministère bolivien comprennent qu'ils se sont fait rouler. Par réflexe, le caméraman Christian van Rijswijk place les bobines de film dans un petit sac qu'il remet au consul de France présent dans la pièce. Il lui exhorte « Tirez-vous d'ici, allez à l'ambassade !» Lorsque les officiers boliviens s'approchent du caméraman pour exiger qu'il leur remette le film, le français obtempère et leur tend deux bobines vierges. Avant de quitter la pièce, Ladislas de Hoyos serre la main de Klaus Altmann. Les deux hommes se regardent dans les yeux. Altmann pressent qu'il vient de se faire démasquer. Ladislas et son caméraman se précipitent à l'ambassade de France, située à quelques centaines de mètres de là. Arrivés sur place, de Hoyos fond en larmes. Sa mission est accomplie. L'enregistrement et l'empreinte de Klaus Altmann sont examinés en France. Les preuves sont formelles. Altmann et Barbie sont la même personne. Le piège du journaliste français a bien fonctionné. Le dignitaire nazi le plus recherché de France est démasqué. Novembre 1942, 29 ans plus tôt, France de Vichy. Après avoir opéré sur plusieurs points du front, Klaus Barbie est dépêché en France. À Lyon, il prend la tête de la Gestapo et étend rapidement son influence. Le jeune SS se taille une réputation. On le surnomme « le boucher de Lyon ». Nazi zélé, décrit comme cruel et froid par ses supérieurs, Klaus Barbie répand la terreur dans la ville. Il rafle des milliers de juifs et arrête de nombreux résistants. Barbie n'hésite pas à faire usage de la torture pour extorquer des informations à ses prisonniers. En 1943, il arrête Jean Moulin, le cerveau de la résistance française. Barbie sait que si Moulin parle, toute la résistance tombe. Le tortionnaire redouble d'efforts et malgré les supplices, Jean Moulin ne révèle aucun secret. Le héros de la résistance meurt quelques jours plus tard sans avoir parlé. Le 6 avril 1944, Klaus Barbie arrête 44 enfants juifs dans une colonie de réfugiés à Izieux et les fait monter dans un train destiné à Drancy, puis à Auschwitz. Le 11 août de la même année, alors que l'avance des Alliés les mène aux portes de Lyon, Barbie ordonne le départ d'un dernier train en direction d'Auschwitz. Les 650 personnes à son bord sont envoyées à la mort. Le chef SS, lui, parvient à fuir la France et termine la guerre en Allemagne. 1947, République fédérale d'Allemagne. Klaus Barbie intègre un réseau de contre-espionnage financé par le CIC, le Counter Intelligence Corps de l'US Army. L'ancien nazi est repéré pour ses bonnes connaissances des réseaux communistes français. alors que la France réclame l'extradition du criminel de guerre, le CIC refuse formellement. Dans le contexte de guerre froide, les connaissances de Barbie sont trop précieuses. Pendant 4 ans, l'Allemand travaille en toute discrétion pour les services de renseignement de l'US Army. En contrepartie, les autorités américaines assurent sa protection. 23 mars 1951. Alors que les demandes d'extradition de la France se font de plus en plus insistantes, les États-Unis confient avoir perdu toute trace de Klaus Barbie. En réalité, les services secrets américains organisent l'exfiltration de leurs protégés vers l'Amérique du Sud, le nouvel Eldorado des nazis en fuite. Par le biais d'un réseau clandestin, l'ancien chef de la Gestapo et sa famille embarquent dans un paquebot en direction de l'Argentine, puis gagnent la Bolivie. Klaus Barbie devient Klaus Altman. Sous le soleil de Bolivie, celui qui se fait maintenant appeler Altman a repris une vie normale. Au milieu de la jungle amazonienne, il dirige une entreprise d'exploitation de bois. Dans la Syrie, où il passe ses journées, il travaille aux côtés d'Indiens et de Juifs, ceux-là même qu'il considérait comme des sous-hommes quelques années plus tôt. Pourtant, Klaus Altman n'a rien oublié de son passé. Pour faciliter le décompte des planches de bois, l'ancien nazi marque chaque lot de 10 d'une croix gammée tracée à la craie. Les propriétaires juifs de l'exploitation s'étonnent de l'apparition de ces symboles. Furieux, il questionne Altman. « Êtes-vous nazi ?» Cynique, l'Allemand rétorque. « Non, non, c'est un symbole très beau, j'aime ce signe. » De l'autre côté de l'Atlantique, le souvenir du boucher de Lyon et de ses exactions reste vif. Son nom est cité dans de nombreux procès et Barbie est condamné à mort à 2 reprises pour crimes de guerre en 1947 et 1954. Le sort que lui réserve la justice française ne trouble pas Altman, qui poursuit son ascension. Le 3 octobre 1957, Klaus Altman devient officiellement citoyen bolivien. À partir de 1964, il collabore activement avec l'armée bolivienne. Les macabres compétences acquises lors de ces 10 années passées au cœur de la SS sont mises au service des dictateurs au pouvoir. Traque et torture d'opposants, l'ex-nazi partage ses conseils et grimpe les échelons au sein de la dictature. En 1966, son profil attire les services secrets de l'Allemagne de l'Ouest. Contre rémunération, Klaus Altman renseigne son ancienne patrie sur les rouages du régime bolivien. Mais le citoyen bolivien ne s'arrête pas là. En 1971, il soutient le coup d'état du colonel Banzer et crée même une organisation paramilitaire pour épauler ce nouveau dictateur. Promu au rang de colonel honoraire de l'armée, Klaus Altman jouit d'une notoriété telle qu'il s'imagine intouchable. Néanmoins, la nouvelle vie d'ancien nazi obsède certains citoyens européens. Serge et Beate Klarsfeld, célèbres chasseurs de nazis, sont sur la piste du boucher de Lyon. Le couple, qui s'est déjà illustré par plusieurs coups d'éclat, a retrouvé la trace de l'ancien chef de la Gestapo. À l'aide de renseignements locaux et d'une photographie d'Altman, ils mettent en lumière la nouvelle vie du criminel. Fin janvier 1972, l'information fait le tour des médias français qui s'émeuvent de l'impunité de Klaus Barbie. Informé du scoop, le journaliste Ladislas de Hoyos et son équipe embarquent immédiatement pour La Paz. Après quelques jours d'enquête, ils obtiennent un entretien exclusif avec Altman et parviennent à démasquer Klaus Barbie. Les bobines de film de l'interview traversent l'Atlantique dans une valise diplomatique et sont diffusées sur Antenne 2 quelques jours plus tard. Sur le plateau du journal télévisé, des victimes du bourreau de Lyon le reconnaissent et témoignent. Je rappelle des vies, mes filles, mon mari, mon fils, après mes des enfants dans la maison placée. Sans attendre, le gouvernement français émet une demande d'extradition qui reste sans réponse. Extradition bolivien, les Boliviens n'ont pas répondu et ne répondront pas, certainement pas, avant plusieurs mois. Ici, là-bas. En février 1972, le président Georges Pompidou, en personne, envoie une lettre au dictateur Banzer. En vain. Klaus Barbie reste intouchable. 25 janvier 1983. Une décennie après avoir été démasqué, Klaus Barbie est enfin arrêté. Quelques semaines plus tôt, un changement de régime en Bolivie a fait vaciller la protection de Barbie. Le nouveau président, Hernán Siles Zuazo, souhaite se débarrasser de cet hôte pour le moins encombrant. Au terme de négociations et en échange d'armes, la Bolivie accepte de livrer son ressortissant. Klaus Barbie est arrêté sous prétexte d'une ancienne dette qu'il n'aurait pas réglée. Le 4 février 1983, l'Allemand se voit signifier son expulsion du territoire bolivien. Klaus Barbie n'est pourtant pas inquiet. Il est persuadé qu'il va être rapatrié en Allemagne. 5 février 1983, 5h30 du matin. Alors que la porte de l'avion s'ouvre, Klaus Barbie entend parler français. Sa mine se décompose. Il n'est pas arrivé en Allemagne comme il l'imaginait, mais sur l'aéroport de Cayenne en Guyane. Sur le tarmac, le préfet s'approche de lui et lui signale son accusation de crime contre l'humanité. Klaus Barbie est désormais officiellement inculpé. Arrivé à Lyon, l'homme est symboliquement emprisonné dans une cellule de Montluc, la prison dans laquelle il enfermait et torturait ses victimes 40 ans plus tôt. 4 ans plus tard, le procès du boucher de Lyon s'ouvre enfin. Il est 13h04 ce lundi 11 mai 87. Klaus Barbie, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, pénètre dans le prétoire. Plus de 40 ans après la guerre, il répond devant une cour d'assises de crimes contre l'humanité. Hors norme, l'événement revêt une ampleur nationale. 900 journalistes suivent le procès, qui est exceptionnellement filmé par une équipe dont fait partie Ladislas de Hoyos. De nombreuses victimes sont appelées à la barre pour témoigner. Les langues se délient. Hommes et femmes racontent les horribles exactions que le bourreau leur a fait subir. Klaus Barbie était une bête sauvage, vous savez, on ne peut pas appeler ça un homme. Et ce qui était extraordinaire chez Barbie, qui nous touchait beaucoup, c'est cette joie satanique qu'il avait à torturer. Il éprouvait vraiment une jouissance extrême. Plus si on criait, alors il rayonnait. Madame, monsieur, bonsoir. Les jurés de Lyon devaient répondre à 341 questions. Ils ont répondu oui à 340 de ces questions, reconnaissant Klaus Barbie coupable de 17 crimes contre l'humanité. Ils ont répondu non à la dernière question, pas de circonstances atténuantes pour l'accusé. Le 4 juillet 1987, à l'issue de 145 heures de débat, Klaus Barbie est condamné à la prison à perpétuité. Le boucher de Lyon est jugé coupable de la rafle, la déportation et la mort de nombreux juifs innocents, en particulier les enfants d'Isieux. À l'annonce du verdict, une grande salve d'applaudissements retentit dans la salle bondée. Pour la première fois de son histoire, la France condamne un homme pour crime contre l'humanité. Au cours de tout son procès, Barbie n'aura exprimé aucun regret. Après avoir semé la terreur en France et échappé à la justice pendant plus de 4 décennies, Klaus Barbie meurt en prison le 25 septembre 1991 à l'âge de 77 ans. Klaus Barbie n'est pas le seul dignitaire nazi à s'être enfui en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. On a également Joseph Mengele, l'ange de la mort, le triste et célèbre médecin nazi du camp de concentration Auschwitz qui a également fui en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on a décidé de se concentrer notamment sur cette fameuse interview qui a permis de prouver l'identité de Klaus Altmann pour, en quelque sorte, comme on le fait dans l'histoire de guerre, mettre la petite histoire dans la grande histoire. Mais il est important de rappeler que cette interview, c'est la conclusion d'une longue traque qui a été menée par les Klarsfeld, des chasseurs de nazis. Exactement, les Klarsfeld, Beate et Serge, c'est un couple qui a dédié sa vie à la mémoire de la Shoah, à la traque d'anciens nazis, de responsables de la déportation. Et c'est grâce aux informations obtenues par les Klarsfeld que, justement, on a pu mettre la main sur Klaus Barbie et que Ladislas de Hoyos a pu se rendre à La Paz pour l'interviewer. Les amis, on arrive à la fin de ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Merci pour tous vos commentaires sur tous les épisodes. Ça nous fait vraiment très très très plaisir. Et en tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire dans les grandes guerres. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Leur chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des trics. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom. pom pom pom. À porter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils font voter, et puis après, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Revue de presse. Alors, Vosges Matin du 7 décembre. Le bénévolat, un engagement qui n'a pas de prix. Ah, tiens, le bénévolat. Un engagement qui n'a pas de prix. 12,5 millions de personnes. Au niveau national, le nombre de personnes bénévoles qui donnent régulièrement de leur temps. Alors moi, je pense qu'ils devraient faire grève pendant une semaine ou deux pour montrer à quel point la société française repose beaucoup sur le bénévolat, sur les petits salaires, sur les petits revenus, sur le chômage, sur la misère. Et si les bénévoles se croiser les bras pendant un moment, l'État serait bien obligé de se rendre compte qu'il va falloir améliorer les choses, faire de la société française une société civilisée. Économie. La Silicon Valley licencie à la chaîne. Depuis le début de l'année, plus de 200 000 postes ont été supprimés dans le secteur technologique aux États-Unis, du jamais vu depuis l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Mark Zuckerberg a annoncé le départ de 11 000 employés. Voilà. Oui, bon. Alors, moderniser, c'est bien, mais si c'est pour sacrifier l'espèce humaine, bon, là, on n'aura plus qu'une solution. Hein. Ça sera fermer les maternités, et puis ensuite fermer les écoles maternelles, puis fermer les écoles primaires, les collèges, etc. Hein. Puis démolir les logements. Fermer les mairies, fermer les bureaux de poste, démonter les rails de chemin de fer, tout ça. Et puis livrer la nature, la Terre, la planète Terre à la nature, parce que les humains auront cédé la place. Hein. Ah oui, bon, pourquoi pas, après tout, pourquoi pas. C'est peut-être une hypothèse à envisager. Hein. Ouais. Des néo-nazis se replient en Alsace et en Lorraine. Alors c'est de Vosges Matin du lundi 28/4/2014. Hein, des néo-nazis se replient en Alsace et en Lorraine. Nous l'a prévenu. Hein? Oui. Attention quand on vote. Attention. Parce que les Allemands, qui avaient 6 millions de chômeurs pour 60 millions d'habitants, comme en France, nous avons 6 millions de chômeurs pour 60 et quelques millions d'habitants. Eh bien, les Allemands, ils ont voté mal en 1932. Ils ont voté pour un certain Hitler. Et puis, Hitler, il a eu comme ça une centaine de députés au Reichstag. Le maréchal Hindenburg, qui était président de la République allemande, n'a pas apprécié ce genre de choses. Il n'aimait pas Hitler. Et quelques mois après, il a refait une élection. Et là, cette fois, les nazis étaient en tête des scrutins. Et ils étaient donc en tête du pouvoir. Et ce qui nous a amené, ce que l'électeur allemand nous a amené, la Deuxième Guerre mondiale, par des bulletins de vote, des simples papiers, des petits bulletins de vote. Oh, ben j'ai mal voté peut-être, mais oh, je me défoule quand même, ça fait du bien. Et puis les autres, ils voteront plus intelligemment que moi. Hein? Oh oui, ben, ils sont plus nombreux, les gens intelligents. Alors je vote comme ça. Eh oui, manque de peau. Ça peut faire une majorité. Eh oui, bon. Pénurie de médicaments. Très voyante et très commentée, les tensions d'approvisionnement en doliprane et en amoxicilline ne sont que la toute petite partie émergée d'un immense iceberg. Les difficultés touchent des centaines de molécules, parfois vitales. L'entrée dans l'hiver s'annonce compliquée. Nous vous l'a prévenu. Eh oui, ben oui, il fallait peut-être voter autrement. Hein, qui sait? Il aurait sans doute fallu voter autrement. Ouais, il y a un an et il y a 6 ans. Hein? Voilà. Épidémie de Covid-19. Xi Jinping fait volte-face. L'exécutif chinois a annoncé mercredi l'allègement d'une grande partie de ses mesures anti-Covid imposées depuis 2019 et réclamées par nombre de ses concitoyens. Une inflexion notable, tant le Parti communiste chinois n'a pas pour habitude de céder face aux revendications sociales. Oh! Ben, s'ils sont vraiment communistes, hein, s'ils sont. Poussé par des mouvements contestataires, le président chinois Xi Jinping, lors d'un hommage mardi au défunt président Jiang Zemin, a finalement décidé d'alléger sa politique zéro Covid. Oh, ben, peut-être qu'ailleurs on fera ça aussi, on allégera un peu. Quitte à ne parler que pendant une semaine ou 15 jours uniquement de football, par exemple. Hein. Ben oui, on passe d'un sujet à un autre, et puis on trouve un autre sujet de remplacement. Un réseau d'extrême droite voulait attaquer le Parlement en Allemagne. 25 personnes ont été arrêtées mercredi au petit matin lors d'un vaste coup de filet dans toute l'Allemagne. Ah, vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur les élections en Allemagne. Le chômage, les élections... Le fascisme qui monte. Alors, les spectacles. Ouais, oui, les spectacles. Tao Les Vosges, la danse hip-hop, version fun, avec le spectacle de Grants Miller. Miller, peut-être, je sais pas. Hip-hop, fun, Grants Miller. Eric Fair Play Crew, hip-hop, Fair Play Crew. Oh, Fair Play Festival. Ah, ça cause français, hein? Eh oui. Ce mercredi 7 décembre, alors que nous donnions une conférence à l'université de Bordeaux dans le cadre de l'opération La FINUPS, débarque d'Atafac, une trentaine de militants d'extrême droite ont tenté de s'introduire dans l'amphithéâtre afin d'agresser le public et les députés Carlos Martens, Bilongo et Louis Boyard. Les individus étaient notamment armés de matraques télescopiques. Des membres du service d'ordre ont été blessés. Nous demandons ce soir au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une réaction à la hauteur de la violence de cette attaque contre les groupuscules d'extrême droite. Alors, le hasard a fait que ce papier est arrivé juste après les élections... Oui, en Allemagne, en 1930-33, hein. Mais aucun rapport, hein, ça fait, il y a 70 ans de, hein, 70. Bon. Un deuxième parc éolien en projet à Remoncourt. Vaccination. Le rappel, c'est maintenant. Ouais. Retraite, dernière concertation, ou bien concertation, on peut appeler ça des concertations si on veut, mais ouais, le mot, hein, le mot, mais la réalité, c'est pas... Procès, vente d'alcool à un mineur, Lidl condamné. L'adolescent était mort à scooter après avoir acheté de la vodka dans un magasin Lidl. L'enseigne a été condamnée jeudi à 5 000 € d'amende par le tribunal de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques, pour vente illicite d'alcool à un mineur. Justice. Pesticides, un agriculteur indemnisé. L'agriculteur Paul François, qui avait fait condamner Monsanto au terme d'un marathon judiciaire, va toucher des indemnités d'un peu plus de 11 000 €, a-t-il annoncé ce jeudi. Santé. Macron remet le masque. Macron remet le masque, tiens. Emmanuel Macron a remis un masque jeudi, estimant qu'il était nécessaire de reprendre des habitudes face à la remontée de l'épidémie de Covid-19 sur la base du volontariat. Épargne. Le taux des nouveaux PEL fixé à 2%. Plan d'épargne du logement, ça vous rapporte 2% et le coût de la vie, lui, il augmente de 10%. Donc, l'épargnant populaire, il se fait avoir de 8% régulièrement. Comme ça et autrement. Venir pleurer des larmes de crocodile sur le score du RN, alors que dans 56 duels sur 61 entre le RN et la NUPES, les candidats Macron ont refusé d'appeler au barrage républicain. Vous pouvez vous tortiller dans tous les sens. Voilà qui vous êtes. Et ça ne s'oubliera pas. Ah oui, bah, les élections de 1933, là-bas, de l'autre côté du Rhin. Ça n'a rien à voir avec la politique française actuelle. Non ! Mais non, faut pas tout mélanger, voyons. Allons. Ornithorynque. 2022, la police tue. L'hôpital agonise. L'enseignement est au bout du rouleau. On va manquer d'eau, on va manquer d'électricité. On va manquer de nourriture. Il y a des gens qui vont voter à droite au cas où ils deviendraient riches demain. Alors qu'on deviendra seulement mort. Il ne faut pas inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution en réaction à ce qui s'est passé aux USA, disent certains. En effet, il faut l'inscrire en prévision de ce qui pourrait se passer en France. Qui saurait faire confiance au RN et à ses possibles alliés? Qui a dit ça? Ben, c'est Gérard Miller. Coupure de courant, pénurie de Doliprane, prof recruté en job dating, urgence qui ferme, inflation à 12% en supermarché. Imaginez que ce soit la gauche au pouvoir. Les médias diraient quoi? Point d'interrogation. C'est le Venezuela? Point d'interrogation. Mais ce chaos, c'est la Macronie. Alors ça va bien. Et qui a dit ça? François Ruffin. Joyeux Noël à tous les pseudo-patriotes. Exclus. La crèche du siège du FN. Sans juifs, sans arabes, sans africains et sans migrants. Alors la crèche, ben, elle est vide. Eh oui. Voilà. Ensuite, braquer une banque est un crime. Mais pas autant que d'en fonder une. Qui a dit une énormité pareille. Ben c'est Bertolt Brecht. C'était un anti-nazi en Allemagne. Oui, oh, il n'avait pas voté pour Hitler, lui. Alors ici aussi, vendredi 9 décembre 2022, Vosges matin, 4458 Energie, Energy, la start-up, START, trait d'union UP, Gaming Engineering, GAMING ENGINEERING, etc. Alors, ah si, encore, EPI Design, HA2PYDESIGN. Alors, si vous pouvez faire la traduction, c'est bien, parce que moi, je peux pas. Voilà. Eh oui, on ne sait pas tout ce qu'il faudrait savoir, hein, voyons. Eh non. Tiens, Vosges matin, encore, le 14-11-2022, 32 pages. Foot, sport, 16 pages. la moitié. Hippisme, 2 pages. Et puis le reste, ben, c'est un peu d'informations et beaucoup de publicité. Voilà. Et on paye un abonnement pour ça. On entretient des soi-disant journalistes. Soi-disant journalistes. Pour ça. Pour ça. Pour nous soi-disant informer. Bon, alors... Ils pourront se rendre compte ou voir leurs cotisations et apprécier en même temps les énormes avantages qu'ils retirent de leur affiliation à la sécurité sociale. Les hommes, les femmes, les mères, les enfants, nos vieux et nos vieilles de France trouveront dans ce guide tous les renseignements nécessaires concernant leurs droits et leurs obligations. Cet instrument était devenu nécessaire. D'autres suivront au cours de l'année prochaine, car la sécurité sociale est en constante évolution. Je ne dis pas tout, parce que le texte est un tout petit peu long, puis je regarde pour la prochaine fois, et il est signé par Ambroise Croizat, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, en 1945. La Sécurité sociale a été créée en 1945, les allocations familiales aussi. Notre législation sociale a été créée à cette époque par un groupe qui s'appelait Conseil National de la Résistance, CNR. Et le Macron, Monsieur Macron, on va dire Monsieur, hein, ah oui, Monsieur Macron a créé le CNR récemment, Conseil National de la Refondation. Alors, est-ce qu'il se moque du Conseil National de la Résistance? Est-ce qu'il aurait été résistant entre 1940 et 1945? Hein, oh, on peut poser la question. Ensuite, la bourse. Date. Alors, le samedi 9/7/2022. BioNTech, les actions cotées 170,13 $. Plus 1,29%. Moderna, c'était 176,23 $. Plus 2,22%. Pfizer, 53,17 $. Et il était en baisse à ce moment-là, au mois de juillet 2022. Hein. Dassault, 144,80 €, était en hausse de 52,42%. Comme quoi, il vaut peut-être mieux vendre des armes que de vendre des vaccins. Hein. Ça, vendre des vaccins, ça rapporte bien, mais vendre des armes, peut-être que ça paye encore plus. Alors, le lundi 11/7, c'est-à-dire 2 jours plus tard, 2022 toujours, BioNTech 164,55 $, moins 0,50%. Moderna, 174, fabricant de vaccins aussi, hein, Moderna, comme BioNTech et comme Pfizer. Alors Moderna, 174,518 $, moins 0,55%. Et Pfizer, 52,89 $. Une baisse de 0,28%. Et puis Dassault, 142, il ne fabrique pas de vaccin Dassault, hein, non, 142,90 €, c'est-à-dire moins 0,60%. Voilà, maintenant si vous avez de l'argent à placer, vous savez où le placer, hein, pas n'importe où quoi. Hein. Alors, élections. Les élections dans la zone d'écoute de RGM. Basse sur le Rue. Rassemblement national 58. Divers droites 295. Alors Bellefontaine 96 RN 290 DVD. Cleury 72 224. Dommartin 177 567. Éloi 310 629. Ferdru, 149-440. Laforge, 49-163. Syndicat, 215-505. Le Tillot, 162-383. Le Val d'Ajol, 381-1120. Le Plombière, 150-445. Pouxeux, 230-406. Remiremont, 492-1652. Rue sur Moselle, 360-825. Saint-Amé, 178-596. Saint-Étienne-et-Remiremont, 298-920. Saint-Nabord, 371-1041. Vanier, 320-1044. Vécoux, 273-246. Donc, les gens de droite, les Vosgiens, eh bien, ils votent encore à droite et à l'extrême droite, dans une proportion de Basse-sur-le-Rue, par exemple, ça va de 1 à 5. Bellefontaine, 1 à 3. Cléry, de 1 à 3. Dommartin, de 1 à 3. Éloy, 1 à 2. Ferdru, 1 à 3. Laforge, 1 à 3. Le syndicat, 1 à 2. Hein, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de gens qui votent divers droites que Rassemblement National, le syndicat. Le syndicat, et puis Éloy. Hein, voilà. Le Thiot, 1 à 3. Le Val d'Ajol, 1 à 3. Plombière, 1 à 3, approximativement. Hein. Je donne pas les chiffres après la virgule. Pouxeux, 1 à 2. C'est-à-dire qu'à Pouxeux, il y a la moitié des électeurs qui votent... Enfin, un tiers des électeurs qui votent Rassemblement National, RN, et puis deux tiers qui votent divers droites. Voilà. Hein. La gauche, oh ben la gauche. Remiremont, 1 à 3. Rue sur Moselle, 1 à 2. C'est-à-dire qu'il y a deux fois moins d'électeurs qui votent pour le Rassemblement National que pour la divers droite. Hein. Ben oui, mais ils sont toujours en progrès quand même, hein, ces gens-là. Eh oui. Saint-Amé, 1 à 3. Saint-Étienne-Hermiremont, Saint-Nabord, Vanier, Vécou. Le rapport est toujours de 1 à 3. Voilà. Trois fois plus d'électeurs de droite que d'extrême droite. Pour l'instant. Attendons la suite.